Down. Yeah. Down. Yeah. Deck my tea, yeah. Light and juicy, yeah. All the tea, yeah. All the tea, yeah. Deck my tea, yeah. Light and juicy, yeah. All the tea, yeah. All the tea, yeah. I think this will be your fantasy. Yeah, yeah, you don't be my dick. I don't want to make your face indeed. Hold on, this my lady, bro. Dumping in my butt, dumping in my cat. Yeah. Bro, in your strength, yeah. Bro, in your dress. Dumping in my butt, dumping in my cat. Yeah. Bro, in your strength, bro, in your dress. Yeah, I just wanna do the party, yeah, it's like a party. More like hold, I take your cat, I make you feel the yoda. Bottom, gotta make them wild, I'm in my butt. Pop around the girl, yeah, cause she pulling guy, yeah. Make a dream, yeah. This my dream way. That's a man I'm making get. You don't need my heart of water. Take my dream, yeah. Light and juicy, yeah. All the tea, yeah. All the tea, yeah. Take my tea, yeah. Light and juicy, yeah. All the tea, yeah. All the tea, yeah. Don't be my dick. I don't want to make your fuss in me. Hold on, this my lollipop. Yeah, this my lollipop. My lollipop. My lollipop. My lollipop. Yeah, this my lollipop. My lollipop. My lollipop. My lollipop. Money flash, yeah. One more beat. Thunder shot. Monkey kick. Seul pour toi, comme on dit, sur mon lit, y'a un hacker, tu rouges vite, bébé t'inquiète pas, je vais mettre mon kiki dans ta chatte ou bien, dis-moi si c'est tout, je peux continuer, ou bien laisser comme ça, 3 jours, 5 jours, aller-retour. Je peux pas laisser comme ça. Ma bite en train de chauffer. Je vais défoncer ta chatte. Mon kiki se lève tôt. Il rentre dans la chatte. Mon kiki se lève tôt. Je rentre dans la chatte, chatte, chatte. Mon kiki se lève tôt. Je rentre dans la chatte, chatte, chatte. Mon kiki se lève tôt, tôt, tôt. Et rentre dans ta chatte, chatte. Baby, si tu veux, je te prends pas d'aide. Oh, pas d'aide, yeah. On va pas s'arrêter, on va continuer. J'te fais ça doucement. On continue plus fort. Si tu veux, je te tiens. Dis-moi bien la vie, hey. Je suis fait de l'eau, l'eau. On s'embrasse comme, hey. Yeah, hey. Baby, abrace-toi, hey. Passe pas ton derrière. Je sais que tu ne vas pas crier parce que ça va faire mal. Je te défoncer le cul. On va faire ça plus vite. Ton papa la maison. Moi je m'en fous de ma femme. C'est vrai, oh. Je m'en sauterai. Je m'en sauterai.